Agrippine, Agrippine, Agrippine, Agrippine, Agrippine, Agrippine, Claire Brotéché, adapté par Christelle Lomser. Quatrième épisode. Où ça, il y a de quoi chialer. Moi j'en ai une bonne. Écoute. Alors, monsieur et madame, bien faire une petite pipe là, ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Fétide. Bah, pourquoi fétide? Pourquoi pas fétide? Attends, fétide, bien faire une petite pipe là. Ça le fait moyen. Hein. Attends, ça le fait pas du tout. Alors attends, je sais pas. Joseph. Salut les gars! Tiens, revenant, ça va Jean-Mi? Au poil! T'en voilà toi, qu'est-ce qui t'amène? T'as un bon clopette? Non mais j'y crois pas! Hein. Non mais attends, mais c'est pas vrai, on croit rêver là! Bah quoi? Attends, ça fait un an que t'es à l'entertainment et tu connais pas monsieur et madame! Oh ça va, hein! Je sais pas, vous êtes tous tellement marioles là, tu crois que c'est facile? Bon, assez rigolé. Je retourne bosser. Hey, tu bouffes à la cafette à midi? Bah, attends alors, c'est quoi la réponse? Dis donc, c'est pas Moumoule là-bas? Qui ça? Moumoule, tu connais pas Moumoule? Celui avec les cheveux teints en blond, la veste à carreaux beige, la chemise à fleurs. Mais attends, je le vois pas. Mais si, il fume un super barreau de chaise. Super sympa ce type. Et Moumoule? Allez. Ah, je crois qu'il me reconnaît pas, je suis trop loin. Je vous laisse les gars, plus. Pardon. Pardon. C'est trop belle quand tu fais des ronds de fumée, on dirait le Vésuve. Pardon. Moumoule, salut. Hein? Alors Moumoule, la forme? La boum? Pardon, on se connaît. Voyons. Moumoule! S'il vous plaît, Venceslas n'est plus. Ben, Venceslas, c'est plus Moumoule, c'est ça, mais je sais, voyons, je suis au courant. Il faut te féliciter. Pas vrai, Moumoule? T'es passé responsable entertainment, c'est ce qu'on m'a dit. Bon, et j'ai pas le temps là, je suis pressé. Attends, Moumoule, mais attends, je vais te dire. Pardon, Venceslas n'est plus. Oh, pardon, Venceslas, Venceslas. J'ai un concept géant pour un projet fumant. Ouais. Faut que je t'en parle, je me remercie. Ok, hein, fais-moi passer un petit synopsis. Hein. J'ai dit petit, pas plus de 80 pages, donc là, ça me file la gerbe. Et puis, j'ai pas le temps, hein. J'en ai déjà 150 à étudier au préalable. Tiens. Allô? Non, écoute, Moumoule, Venceslas, non, j'aurais préféré qu'on en discute en tête à tête, tu vois ce que je veux dire, à la cool, quoi, comme au bon vieux temps. Tiens, Azelmia, puisque t'es là. Oui, Venceslas. Occupe-toi de cet intermittent, j'ai pas que ça à faire. Oui. M'énerve celui-là avec son égo en chou-fleur turgescent. Il y a des moments où je lui foutrais des baffes. Ouais, mais en attendant, il est responsable entertainment. Alors que vous, vous êtes quoi exactement dans cette cimenterie? Bon, on se pose 2 minutes à l'intérieur, venez. Je vous suis. Pardon? Oups. Bon, moi, je suis directeur du compassionnel. Non, sans déconner. Le compassionnel, c'est exactement ma tonalité. J'ai un sujet mortel éprouvant dans une recherche larme coup de poing. Non, écoutez-moi bien. La stylistique sous-jacente de la poignance et du tragique, évitant le spectre de la beaufitude. Ça fait rire. Non, pas du tout. En fait, c'est nerveux, j'esquisse juste un sourire un peu là en pensant au stock de scripts bourrés de concepts victimaires si atroces que les glottes les plus rigides font des doubles nœuds rien qu'en les lisant. Un sujet de plus et je me suis... Fabrice. Ah, attendez. Alzémia, t'es où, bordel? Oui, on m'interpelle dans l'oreillette. Oui, oui, c'est Alzémia, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fabriques? Tout le monde t'attend. Ouais, j'arrive, je suis là dans 2 secondes. Bon, ben alors, et où? Vous me le faites, ce contrat, ou pas? À votre place, je contacterai la régie des interstices. Les interstices? La régie des interstices? Vous êtes de ma gueule ou quoi? Mon projet est un projet énorme, géant, maousse. La régie des interstices. Interstices vous-même. Vous êtes en merde, espèce de raté de B2. Ok? Oh, Alzémia, qu'est-ce qu'il prend? Je crois que le monsieur l'a irrité. Je me suis cassé le cul pendant des années dans cette charcuterie pour m'entendre traiter d'interstices par un intermittent, connard. Mal, Alzémia, je te jure, c'est pas grave, faut pas te mettre dans des états pareils. J'essaie d'aider cette phase de cuvette, résultat, t'as entendu? Une traite d'interstice. Tout ça parce que ce connard de Venceslas veut pas se baisser lui-même pour ramasser de l'intermittent. Merde. Vous avez vu ça? Non mais elle est violente. Vous avez dû la contrarier, faut croire. Vous croyez que je peux balayer les documents qu'elle a laissé tomber? Oh, y a pas de raison, faites votre métier. Je parie qu'elle vous a refusé un projet. Mêlez-vous de vos balais. Si on n'est pas pote avec le boss, on n'arrive à rien dans cet écheveau. Ah ouais? Et l'autre énervé, là, Elle a fait ami-ami avec le boss pour monter en grade? Bah, elle paraît que non. Mon œil. Elle paraît qu'elle est boulot-boulot plus le talent. C'est ce qui se dit. Bah, vous savez, comme les gens sont méchants, si ça se trouve, elle a juste fait ami-ami, comme vous dites, ben ça, les gens le reconnaîtront jamais. Ils sont jaloux. Dans les toilettes. C'est juste là, oui. Elle est toujours en train de chercher de quel prénom il s'agit. Et comme elle ne piche pas du tout la plaisanterie, bah, tout y passe. Hein. Omar, Saturnin, Isidore... Isidore, bien faire une petite pipe là. Mais elle comprend vraiment que dalle, la pauvre. Hein. Ah ouais, non, mais ça fait pitié. Hein. Ah, mais moi, ça me fait de la peine. Je crois que je vais lui dire ce sacré prénom. Hein. Comme là, c'était... Alors, œil de mythe, c'est bien toi? Gradub, Jésus-Marie, Gradub, je peux pas le croire. Ça fait combien de temps? Je sais pas, je dirais dans les 20 ans. 20 ans qu'aucune voix fraternelle ne m'a appelé œil de mythe. Ça a été dur, tu sais. Et que fais-tu exactement dans cette épicerie fine? Bah, je suis directeur des programmes. En fait, là, si j'ai bien entendu, t'es en train de me dire que t'as la commande en tour. Pour faire bref, t'es le boss, quoi. Hé, œil de mythe. Oui, voilà, c'est ça. T'as tout compris, Jean-Mi. Attends, je comprends pas, là. Où ça, y a de quoi chialer? Mais Gradup, tu te rends pas compte quand tu me donnes ce vieux surnom, tous ces souvenirs qui remontent. En tant que boss, tu peux pas te mettre à peigner toutes les larmes de ton corps pour un oui, pour un non. C'est pas digne. Tu oublies la vocation de la crèmerie pour laquelle je baratte. Tes émotions. Mmh. Aucun excès de sensiblerie n'est mal vu, au contraire. Il est bon de rajouter. Pleurer, faire pleurer, c'est un peu mon fond de commerce. Alors, forcément, il y a des formations professionnelles. Bah dis donc, puisque t'en parles. J'ai un projet professionnel à l'arme dure, tout prêt, qui enverrait un max de pâté. Il me manque que l'argent, du matos, une équipe, ta confiance, de l'argent, un quart régie et un contrat béton. Et de l'argent, j'oubliais. Alors, qu'est-ce que t'en penses, œil de mythe? Jean-Mi, rien que l'idée d'un projet qui pleure avec toi... Oh, tiens, tu veux un mouchoir? Tu auras tout ce qu'il te faut, Gradu, juré. Je te débloque le budget. Je m'occupe du contrat à l'instant même. Viens, entrons dans mon bureau. Tu verras, tu me remercieras. Ta crêperie va faire un putain d'audimat. Oh, tu crois? Une demi, t'en as l'air bon. Humphrey. Ouais. J'ai pas trouvé celui-là. Ah, elle me ferait bien faire une petite pipe là. C'est géant. Ouais, hey, Ignace. Ignace. Ouais. Hey, tu la connais celle-là? Attendez, c'est moi qui la raconte. Ok, vas-y. Ouais. Alors attends. Monsieur et madame ont un fils. Ils l'appellent Humphrey. C'est quoi leur nom de famille? Oh putain, j'y crois pas. Alors, Ignace, tu donnes ta langue au chat? Oh. Je cherche pas, hein, j'y ai passé 2 heures, j'ai jamais trouvé. Bonjour mesdames. Bon, les filles, faudrait voir, à pas trop rigoler, je vous ai déjà dit, c'est pas bon pour l'image de marque. Bon, il va falloir me rédiger un contrat là, si c'est pas trop, vous demandez. Merci. Allô? Allô maman? Ça y est! Ouais! TV Motion a été enthousiaste. Tu te rappelles le projet dont je t'avais parlé? Ils ont adoré. Ils disent que je suis un génie. Ouais, bon, c'est un peu exagéré. Mais quand même, je suis content. Ah bah oui! M'appelle pas Jean-Millon. J'ai fini Télérama, tu me passes le nouvel ops? Merci. Allô, Berlin? Oh, tu m'entends? Non, mais là, cette euphorie subite ne présage rien de bon. Mais pourquoi tu dis ça? Elle est si mignonne quand elle est de bonne humeur, ça la transforme. C'est pas comme mes huîtres. T'as déjà essayé de faire rire une huître? Moi, oui. C'est très décevant. Parce que peut-être qu'elle est écroulée, l'huître, mais ça ne se voit pas. C'est ton portable qui sonne. Ouais. Encore un con qui me veut du mal, je le sens. Ouais, ça n'a pas l'air d'aller, toi, aujourd'hui. Je sais pas, j'ai comme un pressentiment. Allô ? C'est moi. Comment ? Rupture du moelleau ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais quand ? Non ! Non, je crois pas que maman était fragile du moelleau. Qu'est-ce que vous dites ? Ma poule, c'est ta mère qui a un problème. Il n'y a plus rien à faire. Elle est où ? Bon, j'arrive. Je viens avec toi. Non. Mais si, voyons. Je te laisse pas toute seule, je viens avec toi. J'ai dit non. Je sens que ça s'est divinement passé avec Andante Konmoto. Tu le trouves comment, toi ? Je sais pas. Oh, arrête, il est trop beau, non ? Pas mon genre, je crois. Mais en plus, il a une culture de ouf. J'ai rien concepté à ce qu'il disait, mais pour pas être fiché légumes, de temps en temps, je disais « Ouais, mais quand même !» Comme ça, il m'a prise pour une intello de marins. Il y a un drôle de bruit dans le téléphone. T'es en train de bouffer les chips soufflés aux crevettes ou quoi ? Ouais, voilà, là, t'es froid polaire pour deviner ce que c'est le bruit que t'entends dans le téléphone. C'est quoi ? Vas-y, devine. Je te le donne dans le mille. Mais moi, pas l'enterner, je suis pas en mire de devinette. Il m'a offert des boucles d'oreilles. C'est une vraie cacaillerie. Trop la classe, les boucles. Métal et verroterie, rouge sang, ça jette un max. Bien sûr, je l'ai lui éjecté dans la gueule pour pas qu'il se croie tout permis. Il s'est cassé, il était fou, furieux. Mais les boucles, il te les a envoyées par texto ou quoi ? Mais non, il était tellement dans la rage quand il s'est tiré qu'il les a oubliées. À mon avis, je l'ai bien dans les mains, y a pas faute, hein. C'est dans la poche. Qu'est-ce que t'en penses ? Agrippine. Oh, alerte rouge, il y a un intrus dans ma sphère privée, je te rappelle. Agrippine. Pourrait frapper. Ta grand-mère est morte. Agrippine, tu m'as entendu ? Mamie est morte. Arrête, papoute, c'est horrible. Mais je sais, ma fleurette de sous-bois, la mort désoriente les jeunes, les vieux aussi, quant aux philosophes, n'en parlons pas, mais la mort, ma fille... comment t'expliquer ? Eh bien, la mort... Ah, oui, je vois. En réalité, c'est le mot lui-même qui te gêne. Mais c'est un mot porno, puant, immonde et abject. En plus, c'est un mot mélo, je le déteste. Bon. Essayons autre chose. Elle a avalé son extrait de naissance. Elle a plié son parapluie. Elle a pris perpète. Vulgaire. Alors, elle s'est évaporée dans la musique des sphères. Elle est devenue feu. Elle est entrée dans le sein d'Allah. Ça se la pète. Mais il n'y a qu'à dire, elle est partie comme tout le monde. Ah bah allons-y, elle est partie, vendue. C'est dérisoire, mais ça fait clean, c'est couture. Donc, reprenons, voilà, mamie est partie. Qui ? Mamie ? Elle est partie ? Mais où ? Elle revient quand ? Ah, bon, mais ça suffit maintenant à cette comédie de salade et de contes de fées. Nous sommes des adultes. Alors, regardons la réalité dans les yeux. Mamie est partie pour toujours, elle ne reviendra jamais, voilà. Non, mais c'est pas juste! Maintenant, tu m'engueules parce que mamie est morte! Mais non! D'ailleurs, mais. T'as raison parce que c'est ma faute! Mais allons, allons, allons, mais c'est de la faute de personne! Ta grand-mère a eu une rupture du moellon! Ça, au moins, c'est clair! Mais moi! Avant qu'elle fasse la rupture du moellon! Elle m'a engourdi avec mes bouts de Jésus! Et moi, je lui ai dit, je voudrais que tu sois. Morte! C'est ma faute! Oh, ma Agrippine, calme-toi. Tu n'as pas le pouvoir de vie ou de enfin, de le... Non, mais le pouvoir d'arrivée ou de départ sur les gens. Voyons mon chaton tracé. Non, non! Pas se tracer le chaton, papa, je t'en supplie. Pas se tracer comme le tatou des boots. Bon, d'accord, ma fille. Pas se tracer le poisson, le chaton des boots de... Oh, pff, c'est parce qu'il m'arrive, j'ai un coup de fatigue. On peut pas devenir mort comme ça quand on est hyper vivant, ou alors ça a pas de sens. T'aurais pas un diapason ? Quand on pense à sa vie, 5 légumes différents par jour, du poisson, jamais de beurre, des rails d'oméga 3 à volonté, rando chaque week-end, son verre de bref mal bio tous les jours à 5 heures, tout bien quoi, c'est pas du jeu. Qui est mon berger, ô Seigneur ? Rien ne saurait me manquer. Elia, il paraît que mamie, elle a glissé dans l'escalier. J'ai jamais vu de morte pour de bon. Il y a du sang, on peut le voir. Ta mère est rentrée. Mais saleté frangin, qu'est-ce que tu fiches avec mon soutien-gorge autour du cou? Tu es là? Rends-moi ça tout de suite. Sinon, je te garantis qu'il va y avoir du sang. Attends, je veux le garder. Aïe, maman, non, de toute façon, il était au sale. C'est mon soutien-gorge. Non. Non, Garon, pas les boucles d'oreilles. Pas les boucles d'oreilles, Garon, pas les boucles d'oreilles. Tiens, bien fait pour toi. Fais gaffe, si jamais tu les casses, je te jure que je te mettais bouffé, saleté, là. Viens ici, espèce de punaise qui pue. Ouais, c'est lui qui dit qu'il est. Chérie, tu es là? Oh, ma chérie, comment vas-tu? Maman est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée d'un coup. Rupture du moellon. Oui. Mais ce que je savais pas, c'est qu'elle avait fait don de son corps à la science. Ça alors? Ta mère a fait don de son corps à la science? On a trouvé une carte de donateur dans son sac. Elle a été embarquée direct à l'école de chirurgie. Oh. J'ai même pas pu la voir. Oh, ma chérie. Pourquoi maman, elle a même pas pu voir mamie? Ouais, et pourquoi elle l'a pas vue avec le sang qui coule et tout? Tu l'as vue, celle-là? Il paraît que mamie avait fait don de son corps à la science. Don de son corps à la... Attendez, je reviens. Mais c'est quoi cette embrouille? Vous étiez au courant, vous? Mais non, pas du tout. Elle m'en a jamais parlé. En tout cas, ta mère n'était pas au courant. Et voilà. Excite, maman. Salut, tout le monde. Oh, ma chérie. Attendez. Alors. La famille n'a aucun droit de regard sur ce geste généreux. Le cadavre est à cheminer promptement vers l'école de chirurgie de la PHP. On peut avoir son cadavre frais ou formolé. Au choix, puis découpé, voilà, découpé en tranches fines, et... Non. C'est bien mon grand, là. Va jouer à l'ordinateur dans ta chambre, maintenant, hein. Bah quoi? Mais je t'ai dit dans ta chambre, allez, file. Je m'en fiche, j'en ai piqué un autre de soutien-gorge à Agrippine. Il faut te reposer, ma chérie. Je t'ai préparé deux rigoloftes dans un triple tilleul codéine. Oh, merci. Exactement ce qu'il me faut. Et surtout, Agrippine, pas un mot à ton arrière-grand-mère Zonzon. Hein. Ah oui, non, non, surtout pas. Apprendre que sa fille unique n'est plus lui serait fatal. Surtout pas un mot à ton arrière, ils ont dit. Tu vas voir comment je vais pas lui dire un mot. Ça va être vidu. Non mais je rêve, c'est sa fille quand même. Bah, elle a le droit de savoir. Bah, je sais pas, non, mais j'ai pas de plan précis, j'improviserai. J'arrive à sa résidence, là. Bah, si tu voyais les graffitis sur les murs, c'est la pitié. Là, il y a un cochon vert avec un calbut énorme, tu vois le genre. Une espèce de pieuvre à vomir. Un Christ violet avec un gros cœur rose. C'est du pur bon goût, je te jure. Attends, je te rappelle, là, il y a la poussette de Zonzon qui est presque au milieu de la route, mais c'est pas elle qui est dedans. Ou alors, elle a poussé des jambes et elle porte un jean et des baskets, je te rappelle. Hé, debout, c'est l'heure. Et mais dis donc, un dame t'es con moto, qu'est-ce que tu fais dans la poussette de Zonzon, je peux savoir? Et arrête de gigoter, tu vas... Attention! Putain, je me suis endormi comme un con. Du coup, la petite a filé. Quelle petite? Hein? En attendant, t'as cassé la poussette de l'ancêtre. Quel ancêtre? Ça craint, la petite va encore faire des bêtises, le sang. Mais quelle petite, putain? Tu me trompes? Mais où elle est passée? C'est une vraie chipie, elle en fait qu'à sa tête. Andan, t'es con moto, explique-moi cette embrouille, je commence à avoir de l'urticaire au nerf. Quoi? Mais quelle embrouille? Je donne des cours de graphe à une dame qui habite ici. Elle est petite et pas très disciplinée, voilà, c'est tout. Je vois pas l'embrouille. Elle s'appelle pas Zonzon, ta petite dame, par hasard? Pourquoi? Parce que ta petite élève, comme qui dirait que c'est mon arrière-grand-mère. Trop de la balle! Et je peux savoir comment tu l'as connue, mon arrière-grand-mère? Mon père est l'aumônier, pasteur, imam, rabbin, chaman et marabout de la résidence. Le noix! J'y crois pas! Ton père, c'est le noix? Ah, la voilà! Enfin! Loué soit Jésus, Allah, Yahvé, Uskur et Max! Putain, comment vais-je lui annoncer l'horrible nouvelle? Quelle horrible nouvelle? Madame Zonzon, je vous l'ai déjà dit, vous ne devez pas aller taguer les maisons des voisins, nous allons avoir des ennuis. Ils sont capables de nous interdire notre petite activité. Ce serait dommage. Pouf ! Qu'ils essaient seulement. Ils verront de quelle bombe je me chauffe. Bon, la leçon est finie. Nous allons ramasser les bombes. J'ai encore fait des progrès fabuleux aujourd'hui. Vous ne trouvez pas, professeur ? Oui, c'est vrai. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Madame Zonzon, votre poussette est morte. C'est comme ta fille. Ça va pas, non? Ça te prend souvent? Bah quoi, c'est la vérité. Ma poussette. Je suis venue tout exprès pour lui annoncer que sa fille est partie, mais je trouvais pas le billet. Heureusement, tu m'as aidé subtil. Je t'ai aidé subtil, tu trouves? Ben, je me demande si je t'ai pas aidé trop subtil, parce que regarde, je suis pas sûr qu'elle ait percuté. Y a plus poussette? Bof. Maintenant, je passerai bien au scooter. Bon, ben, moi, je vais ramasser le matos. Zonzon... Tiens, tu es là, Cléopine? Zonzon, écoute-moi, il faut que je te dise quelque chose de terrible. Ma mamie, tu sais, ta fille, elle est partie. Tu comprends? Elle est partie définitivement, ta fille. Ah oui? Laquelle? Zonzon, t'en as qu'une. T'en as qu'une de fille, tu le sais bien. Ah bon? Oh ben Zonzon, écoute, fais pas l'andouille. Ta fille est morte, voilà. Oui, bon, écoute, il y a un moment, Barbotine, où il faut laisser les enfants s'envoler, quoi. Tiens, regarde ce que je sais faire. J'adorais faire ça quand j'étais petite. C'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Tu vois, tu enjambes la rampe, hop, tu grimpes et tu te laisses glisser. Youpi! J'adore ça. Tu devrais essayer, ça vaut les meilleurs shoots. Bon, allez, je rentre. Faut pas que je loupe le dîner. Mais c'est trop triste. Mamie est partie et même sa mère s'en fout. Mais non. Le pire, c'est que c'est ma faute si elle est partie. Vas-y, pleure. Il faut pas retenir ses larmes. Je sais ce que tu ressens. Ma grand-mère aussi est partie, au loin, sans prévenir. Et c'était aussi ma faute. C'était ta faute? Attends, comment ça? Eh bien, en fait, oui. Elle est morte en me mettant au monde. Ta grand-mère? Mmh. Ta grand-mère est morte en te mettant au monde? Mmh. Pendant que ta mère était aux fraises, gros con? Ah. Je crois que j'ai un peu merdé là. Je suis bon consolateur. Dommage que je sois maso. C'est ça qui fout la merde. Je crois. C'est toi? C'est moi. Dis, il y a Anne Dante Konmoto qui vient de me faire un plan. Non, je t'expliquerai. Il m'a juste dit que sa grand-mère était morte en le mettant au monde. Ouais, je crois que je vais lui revendre ses boucles d'oreilles. Bah ouais, mais c'est clair, il est mytho le mec. Quatrième épisode. Déjà? Je te promets, quoi. Mais on voit pas les épisodes passer. Non, mais c'est Agrippine. Moi, je kiffe Agrippine. Ah là là. Vivement demain. Ouais, c'est toujours Claire Bretécher. Ouais. Et toujours adapté par Christelle Wurmser. Ouais. Voilà. Peut-être qu'on peut dire le nom des personnages. Ouais, mais tu vois, on les a déjà dit hier, alors... Je suis d'accord, peut-être. En plus, on est long aujourd'hui. Ah, on est long. Alors, bon, moi, je pense qu'on pourrait raccourcir. Tu vois, on pourrait faire Hamburger. Tu vois. On pourrait faire Franck. Guttenkedeck. Medjinsk. Rosine Favez. Et Marie-Pierre Cazé. Ouais, Teresa. Ovidio. Bénédicte Cerruti, Olivier Flabry, Eve Rouvier, Julie Roux, et Charlotte Corman, à Laurent Ferrard, Romain Cotard, et Mathieu Lemeunier, et puis aussi Florent Roulier. Ben oui, attends. Ah oui, Didier Brice aussi. Ouais. Ah oui, j'aime bien Didier Brice. Ouais. Ah oui, Antoine ouais. Sastre. Oh, ah, et la belle Johanna Nisa. Oui. Slimane Efsa aussi. Super. Sandrine Baudénès. Philippe Bertin. Ah oui, Philippe Bertin. Exact. Oui. Ouais. Philippe Bertin, un superbe rôle, œil de mythe, moi je dis. L'intégrale d'Agrippine ouais. est publiée aux éditions. Ah ben, tu sais quoi? Aux éditions Bretécher. Voilà. Et qui c'est qui a fait tout ça? C'est qui l'a enregistré, qui l'a fait le bruitage? Eh ben c'est Sophie Vicente. Oui. La prise de son. Et le montage et le mixage, il y avait... Éric Boisset et puis Émilie Couette. Et l'assistante à la réalisation. Ah, c'est Clémence Gross. Ben oui. Et le réalisateur, Cédric Aussire. Cédric Aussire.